的激动盼望，闹闹闹去盼望，闹闹闹，就搞激动了，我们跑的激动盼望，闹闹闹去盼望，闹闹闹。 J'ai passé une très mauvaise journée, j'ai eu la tête qui tournait. J'étais au quartier, il faisait froid, j'ai mis ma tournée. De bon matin, je me lève, je tire une barre, je me lave, y'a plus d'eau chaude. Mon chien pleure, il se sent seul, ou alors il a vu quelque chose. On me dit qu'est-ce qui se passe, t'as l'air triste. J'ai rayé des potos sur ma liste. Eh ouais, le sang, mes soucis s'empilent comme dans Tetris. Je tourne en voiture, je connais les risques. Capuché, j'évite les rixes. Je les laisse croire que je suis faible comme chaque homme, mais peut-être que je suis aussi fort qu'Astérix. Ça me rend fou, j'ai perdu ma bœuf. J'ai pris de feuilles, ça m'a pris mon feu. Mauvaise journée, ça m'a mis en feu. Aujourd'hui, je ne suis pas chanceux. Et j'aime pas manger seul quand on est nombreux. Du quartier, je ne suis pas le nombril. Et merci, bon Dieu, d'être encore en vie. J'ai passé une mauvaise journée. Et quoi dire, je m'ennuie. Que des mauvaises nouvelles. Je me sens mal comme ce petit qui n'a pas vu passer le Papa Noël. Une très mauvaise journée. Le ciel est gris, je pense à tout. Des fois papa, je pense à toi. Quand j'étais petit et tout. Et tu m'aimes pas petit, écoute. Tout ce que j'ai fait, moi je l'assume. Dis-moi pourquoi je te dégoûte. Parce qu'on n'a pas choisi la même route. Et n'écoute surtout pas les gens qui disent de moi que je fais la star. J'étais fort au foot, mais rien que pour parabaisser mes potes. Je voulais pas le brassard. Rien n'est fait au hasard. Je crois en Dieu, mais peut-être pas comme vous. Mais je respecte tout le monde, je me dis que tant qu'il y a du cœur, il faut croire en nous. J'ai passé une mauvaise journée. J'ai passé une mauvaise journée. J'ai passé une mauvaise journée. Sur le quartier, je tourne en rond, même voir les petits ont peur. Non, non, non, je suis pas heureux. Non, non, non. Sur le quartier, je tourne en rond, même voir les petits ont peur. Non, non, non, je suis pas heureux. Non, non, non. Et arrête avec tes paroles. Tu veux les faire rire, mais tu n'es pas drôle. Tu sors que des dossiers bizarres pour qu'on y croie, tu jures ta daronne. Je passe une très mauvaise journée, mais quand même j'ai le sourire. J'ai l'habitude de souffrir, alors aujourd'hui je vais m'ouvrir. Ou peut-être que je vais mourir, il te restera quoi de moi en photo. Mais son nom en photo, mon savoir-vivre, mon rire. D'amour je vais me nourrir, trop de haine je vais courir. Je crois encore que je vais subir, laisser mon cœur pourrir. J'ai passé une mauvaise journée. J'ai passé une mauvaise journée. Sur le quartier, je tourne en rond, même voir les petits ont peur. Non, non, non, je suis pas heureux. Non, non, non. Sur le quartier, je tourne en rond, même voir les petits ont peur. Non, non, non, je suis pas heureux. Non, non, non. J'ai passé une mauvaise journée.